Zo, hallo, die fles. Ja, dat was even een wild zwaaiend, rondzwaaiend kind met Christen tegen toestand. Ja, ik gisteren was er. Oh ja, we zijn live op het Circus Band Festival in het Erasmuspark. Nou, het is een enorme drukte. Er is op dit moment ook, ja, als je in Rotterdam bent, ga alsjeblieft even naar het Schouwburgplein. Want ja, ik was eigenlijk onderweg daarheen. Sterker nog, ik stond op het perron, maar toen ik één voet op het perron zette, toen reed die trein weg. En de volgende, die zou me pas te laat daar brengen. En ik, nou, ik dacht, omen. Dus we zijn weer op circusbende. En daar is al van alles aan de hand. Op het muziekpodium AUB niet op. Oh, niet op het podium. Trop de haine dans le crâne, trop de fierté et de crasse pour tu m'aimes danser. J'ai forcé le trait mais je suis le même, toujours le même penseur, le même humain que fut mes veines pleines de ta belle grâce. Je regarde tous ces garçons amers et je me sens plein de classe. Envie de me jeter à la mer avec une paire de bras, ça reste à me serre brasser. J'avance avec la tête basse et puis le bassin. Si je le rêve assez fort ce sera peut-être passable. J'oublierai les erreurs et puis la bête passera la même place. J'ai déjà vu ça quelque part, ça bug au même passage. Eh, je me sens trop endimanché quand je rejoins l'espace. S'il te plaît regarde pas, je ressemble trop moi du passé sorti. Pour passer le temps, je vais chercher du tabac en ville. J'ai bien vu que t'as pas envie d'embrasser. Je suis pas à m'enfuir, mais tu vois bien que j'ai les yeux qui débordent. Ouais, ça m'a pas ralenti. Ça va pas sans dire qu'à la base, je rappe à la masse dans l'incendie.